Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa al-aqibatu lil-muttaqeen. Wa la'udwana illa ala al-zalimeen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. هذا الباب الإيمان بنعيم القبر وعذابه كذلك ça fait partie de العقيدة de chaque مؤمن أننا on croit, on a la conviction ferme أن celui qui meurt aime, il est châtié dans sa tombe, imma, il est récompensé. Adabul qabr wa na'im. Il y a plusieurs adillah, on a plusieurs preuves ala hada, des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Maqdisi rahimahullah, il a cité les rapporteurs parmi les sahaba radiyallahu anhum. Et là, on lit ensemble un hadith. Qabla hada, ajma' al-salaf, l'unanimité des salaf, على هذه المسألة عذاب القبر ونعيمه وكذلك فتنة القبر سؤال منكر ونكير كما في إجماع السلف للكرماني رحمه الله وفي القرآن هناك دليل أو plusieurs أدلة على هذا parmi ces preuves في القرآن قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر الله سبحانه وتعالى dans ce verset أن فرعون وآله أي ses suiveurs يعرضون على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, matin et soir ils sont exposés au feu عياذا بالله. ثم قال عز وجل ويوم تقوم الساعة, et le jour du jugement, le jour de la résurrection, après les comptes, « Atrilu ala fir'aun ashad al-adab » et faites rentrer Fir'aun et ses suiveurs « Finnar ashad al-adab » et le plus grand châtiment, et l'enfer, yadam billah. À ce verset, « Al-haqiqa vihi dalilun ala azab al-qabr » lianna hadhihi an-nar, ce feu auquel ils sont exposés matin et soir avant le jour du jugement, là, chacun d'entre eux, ils sont dans leur tombe. Fir'aoun et ses suiveurs, ils sont morts il y a des siècles. Et là, chacun d'entre eux, ils sont dans leur tombe, ils ne sont pas encore ressuscités. Les Al-Nayyum al-Qiyamah, ce n'est pas encore arrivé. Enfin, cette période, après leur mort, jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce qu'ils rentreront au Finna, kadalik, ils sont châtiés, c'est ça, adab al-qabr, aïdalatan. Enfin, tu as un délire min al-Qur'an al-Karim, fi surat al-Ghafir. أما في السنة فهنا plusieurs أدلة. parmi ces أدلة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة il a entendu un son, un bruit, ثم قال, et il a dit après avoir entendu ce bruit, يهود, les juifs, ils se font châtier dans leur tombe. أولا هذا الدليل يمنتر إثبات عذاب القبر. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن اليهود ceux qui meurent على اليهودية عيدا بالله et ils veulent pas embrasser l'islam, face des kuffars, et ils se font châtier dans leur tombe, et يوم القيامة كذلك ils goûteront un châtiment encore plus grand. الحديث اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال, النبي صلى الله عليه وسلم مر إلى passé devant deux tombes, Et il a dit, alayhi salatu wasalam, innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Wa ma yu'adhaban fi kabir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé à Anas, ces deux personnes, elles se font châtier. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Nabi, c'est un Rasoul, il était appuyé par la révélation. Fallah subhanahu wa ta'ala, awhala, il lui a révélé, anna ha'oula, ces deux personnes, elles se font châtier. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parlait pas dans une chose, de kabir. Amma ahaduhum, l'un d'eux, pourquoi il se faisait châtier, c'était quoi la cause? Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana yamshi fi an-namim. Ayyadan billah. La médisance. Il parlait sur les gens. Il faisait beaucoup de fitan, il divisait. Yat'an fi hada wa yat'an fi hada. Ayyadan billah, le résultat, annahu, hada l'insan, il s'est fait châtier dans sa tombe. Wa amma al-akhar, la deuxième personne, fa kana la yastathir min bawlih. Et après avoir uriné, cette personne, elle ne se nettoyait pas. Bilma. Ou autre chose, le muhim, l'insan, il intervient à l'adil masala. Limada, il y en a le baoul, c'est najis. C'est impur, l'urine. Enfin, le muslim, quand il fait ses besoins, que ce soit le baoul ou le ra'at, il se nettoie. Et le fait de ne pas se nettoyer, c'est une cause de châtiment. في القبر تستفيد من هذا الحديث كذلك أن الشتيمة لا تنم c'est pas que pour les kuffar حتى بعض المؤمنين ils seront châtiés à cause de certains péchés et tu as la preuve avec le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما كذلك chaque musulman à la fin de sa salat ou la plupart des musulmans à la fin de leur salat il y en a peut-être que certains là chaque certains musulmans ils connaissent pas hadith du'a ou ils ignorent cette mas'ala wa illa fa alhamdulillah كثير من المسلمين avant at-taslim à la fin de as-salat ils disent le du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris Allahumma inni a'oudhu bika min adhab jahannam wa a'oudhu bika min adhab al-qabr le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré هذا الدعاء qu'on doit pas négliger. لماذا لأن هذه الفتنة وهذا العذاب très difficile. فشاك صلاة من السنة avant التسليم après التحيات et après الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام tu fais هذا الذكر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Quatre choses. Tu demandes protection contre quatre choses. Adab al-Nar, l'enfer. Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Fitna tel-mahya wal-mamad. C'est une fitna. Et les tentations de ce bas monde. La vie et la mort. Et al-Masih al-Dajjal. Fitna tel-Masih al-Dajjal. C'est une fitna azim. Et l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, il a cité ce point dans sa risale. Aïe, al-Masih al-Dajjal. Fahada ma yata'allak bi عذاب ونعيم القبر. أما قوله وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير هذه هي فتنة القبر كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. ففي الحقيقة tu as deux choses. بعض الناس des fois ils mélangent. Tu as فتنة القبر وعذاب القبر. عذاب القبر c'est le châtiment. تقدم معنا on a cité certaines preuves. Tu as une deuxième chose, c'est fitnatul qabr. Fitnatul qabr, c'est les questions que Munkar wa Nakir, deux anges, y poseront à chacun de nous. Kama ja'a fi hadith al-Bara. Qala sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, avant qu'on lise hadith al-Bara. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fa amma fitnatul qabr, fa biya tuftanoun wa anni tus'aloun. C'est ça fitnatul qabr. C'est les questions kama ja'a fi hadha hadith. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré fitna tul qabr, c'est quoi? La fitna de la tombe. Fabiya tus'aloun. Et vous serez interrogés sur moi. Wa anni tus'aloun. Et on vous questionnera sur moi. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. C'est ça, fitna tul qabr. Celui qui répond à ces questions, falhamdulillah, il sera min al-najin. Et celui qui ne pourra pas répondre à ces questions, iyadan billah, il sera ala khatarin azim. Le hadith, il est fi. مسند الإمام أحمد رحمه الله وصححه الشيخ مقبل كما في صحيح المسند رحمه الله. أما حديث البراء أصل في هذا الباب، وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك، معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. C'est ça les trois fondements et qu'on a étudié plusieurs fois ensemble. C'est fondé sur ce hadith. فنقرأ باختصار ce hadith, il est assez long et il est, comme on l'a dit, مسند الإمام أحمد رحمه الله عن البراء ابن عازب وفيه فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له. أي هذا سي المؤمن. المؤمن quand son âme elle montera dans les cieux إلى آخره ثم elle redescendra dans son corps, deux anges y viendront. ويأتيه ملكان فيجلسانه et feront asseoir ce mort. كل هذا نؤمن به. C'est pour ça que les ulama citent هذا الباب في العقيدة لأن المعتزلة أنكروا هذا. لماذا؟ لأن المعتزلة قالوا beaucoup de personnes elles sont mortes et directement après leur mort, pour une raison quelconque, leur tombe a été ouverte, ou ils ont creusé pour quelque chose moyen et ils trouvent là le mort. Il est dans la même situation qu'il était avant, comme s'il dormait. Ils ont délaissé ces textes et ils ont prétendu que ce n'était pas sahih. Alors que nous, nous, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il y a deux anges qui descendent et ils le font asseoir dans sa tombe et ils l'interrogent. Fa nu'min bihada. Al-aqidah c'est min umur al-ghayb. Iyak wa iyak. Dans ce bab, tu fais rentrer ta raison avant les textes. Et fil haqiqa, celui qui a une raison saine, qui n'a pas été sali par le bid'a ou le jahl ila akhirah. Falhamdulillah, il accepte tout cela. Un mu'min. Pourtant, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Lakin, al-khabar, il nous suffit. Limada, cette information, elle vient du prophète, alayhi salatu wassalam. Le hadith, il est sahih. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé par la révélation. Fal-nu'min billah, wa nu'min bil-rasul. Falhamdulillah, on n'a aucun mal à croire en ces choses. Même si on n'a pas vu. Même si on n'arrive pas à s'imaginer cette chose. Falhamdulillah, on sait que c'est haq. Et on se prépare pour ce moment. Qala, fayujlisanihi fayakulan ilah man rabbuk. Fayakul rabbi Allah. Fayakulan lahu ma dinuk. Fayakul din l'islam. Fayakulan ilah. Ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum. Fayakul huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les trois questions. Et ce mu'min, il répondra. Limada, il répondra à ce mu'min. Li'annahu, il a fait des efforts quand il était vivant. Limada, ce mu'min, il répondra. Li'annahu, ce mu'min, il était sincère et il croyait. Il avait la conviction, une aqidah ferme. Annahu, après la mort, il sera questionné. Il a préparé hadha, fait, il répondra. Qala, ma'allamak, fayakul qara'tu kitab Allah. Ça prouve ce qu'on vient de dire. Et c'est qui lui a montré ces choses? Les anges lui demanderont, qui c'est qui t'a montré? Qui c'est qui t'a appris ces réponses? Fayaqul hadha al-mu'min qara'tu kitab Allah. J'ai lu le Coran. Et il lisait le Coran quand il était vivant. Ça montre qu'il comprenait, qu'il faisait des efforts fil 'ilm wa amantu bih. Ça nous montre que le Coran, c'est pas fait que pour accrocher. Ben, on doit pas l'accrocher. Aslan, ça fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Le Coran, c'est fait pour être lu. Pour méditer sur les versets, pour les comprendre, pour les étudier, pour les enseigner, pour les propager. فهذا الرجل قرأ كتاب الله وآمن به وقال وصدقت به. Tout ça, ça lui a facilité de pouvoir répondre après sa mort. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره. لا récompense. C'est ça, نعيم القبر. انظروا. Cet homme, الله أعلم combien de temps il a vécu. Et on saura tous concernés par ces questions. Enfin, certains d'entre nous, ils auront une vie assez longue, d'autres moins longue. À la kulli hal, l'insan yasbir. Et il fait des efforts pour préparer ce moment. On fait attention, celui qui oublie ces trois questions, qui oublie cette étape. Al-Hakika, cette étape, c'est la première de l'Akhira. L'insan, quand il est enterré, et ses proches, ils recouvrent son corps de terre. Thumma, sa famille, il retourne, chacun retourne à ses occupations. Chez lui, ces deux anges y viennent. La première étape, elle commence, Al-Hakika. La première étape de l'au-delà. Enfin, cette ville, on est vivant, on essaie de faire des efforts pour apprendre, c'est pour préparer cette étape. On fait attention à Dunya. On est dans une période de vacances, on est en été. Kathirun minan nas, ils sont firafla. Ka'annahum, ils ont une garantie, ils vont pas mourir cet été. Est-ce que celui qui fait aucun effort dans son dit, Bardoum l'an, ils pensent qu'à aller à la mer, qu'à manger, qu'à sortir. Et Bardoum, ils font pas d'efforts pour apprendre leur dîn. Ils sont ba'id an hada. Est-ce que si Ha'oula y meurt, ils seront préservés? Ces questions, elles leur seront pas posées? Abadan. Quand il sera enterré, quiconque, homme ou femme, man rabbuk. Enfin, celui qui a fait des efforts, qara al-Qur'an, wa saddaqahu, wa fahimahu ila akhri, il pourra répondre. Celui qui faisait aucun effort dans son dîn, la tawhid, wa la salah, wa la ilm, wa la shay. Enfin, comment il va répondre? Et ça fait partie de la justice. Alors, celui qui a fait des efforts, il répondra, il aura la récompense. Celui qui n'a pas fait des efforts, il se détournait, khasatan, s'il a été conseillé, il avait la capacité de pouvoir apprendre et appliquer, hada il est à la khatar. Fata'ammal hada al-na'im al-an. فينادي مناد أن صدق عبدي أي une voix elle dira أن هذا العبد لا dit vrai بشرى عظيمة فهذا العبد الآن من s'il a souffert في الدنيا لا شك أن بعض المؤمنين ils souffrent ils ont souffert في الدنيا la pauvreté les problèmes les accusations les maladies إلى آخره لكن هذا المؤمن quand il entendra هذه البشرى صدق عبدي أي هذا العبد لا dit vrai Alhamdulillah. Tout ce qui s'est passé avant, il oubliera. Khasatan avec hada al-na'im, fa afrishuh min al-jannah. Et dans sa tombe, al-firash, les tapis ila akhiri, ça sera min al-jannah. Qala wa albisuh min al-jannah. Ses vêtements, ça sera, il sera dans sa tombe, il portera déjà les vêtements de ahlul jannah. Qala wa aftahu lahu baban ila al-jannah. Et une porte, elle s'ouvrira, il sera dans sa tombe, et une porte, une fenêtre ouverte en direction de al-jannah. ففضل عظيم قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي كذلك parmi les récompenses que ce croyant il aura dans sa tombe, Anahu, il sera accompagné par une personne avec un beau visage. Hatta ce croyant, il dira, men. Et il posera la question à cet homme, qui es-tu? Khasatan, cette personne aura un beau visage, il a akhiri. Yaqul, ana amaluka salih. Et les œuvres de ce croyant, ou cette croyante, Allah subhanahu wa ta'ala, il les mettra en forme d'une personne. Récompense azim. Ça montre l'importance de faire a'mal saliha. Qala wa fihi ay dans le hadith annahu qala fi al-'abd al-kafir. Ay on a cité bi-ikhtisar hal al-mu'min alladhi yun'am fi qabri amma al-kafir alladhi yu'adhab fa tu'ad ruhuhu fi jasadi. Ay après sa mort. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أفرشوا له من النار أولا تستفيد أن la question c'est pas que pour les croyants là c'est pour les croyants et les kuffars le croyant ولله الحمد répondra لماذا تقدم معنا لأنه il a donné du temps à lire le Coran, à comprendre ce Coran et à l'appliquer à l'ilm, et que d'ailleurs l'amal al-salih, il a fait des œuvres. La preuve, c'est le hadith qu'on vient de lire. Hada al-kafir al-an, man rabbuk, il ne pourra pas répondre. C'est le sidq qui parle. C'est le cœur. Il n'y a pas de place au mensonge. Abadan. Hada al-kafir, il dira ha ha, la adri. Aïe, je ne sais pas. Ma dinuk, ha ha, la adri. Aïe, adam billah. Fayunadi munadin min as-sama, afrishu lahu min an-nar. Vous vous rappelez du verset. An-nar yu'radun 'alayha ghudwan wa 'ashiya. Nuit, matin et soir, nuit et jour, ils sont exposés au feu. Et tu as ad-dalil min as-sunnah, afrishu lahu min an-nar. Son firage dans sa tombe, ça sera du feu. Ayyadan billah. Wa albisuhu min an-nar, ses vêtements c'est du feu. وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. Et une porte s'ouvrira en direction de l'Nar. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ. تَقَدَّمْ عَلَى أَنَّ الْكْرَيَانِ sa tombe elle sera très vaste, élargie. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. الْكَفْرِ ça sera le contraire, sa tombe elle se rétrécira. Et avec le feu, ses vêtements c'est du feu, et une porte ouverte en direction du feu. قال حتى تختلف عليه أضلاعه ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد عيدا بالله. Le mu'min, la personne qui lui tiendra compagnie, elle aura un bon visage, il a agré. Al kafir, ça sera l'inverse. Une personne avec lui dans la tombe avec un visage عيدا بالله qui montre الشر. فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقوم الساعة ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة. نعم. Le croyant il sera joyeux, il espérera que le jour du jugement arrive très très vite. لماذا؟ لأنه le croyant à cette étape il saura que ses œuvres ont été acceptées. Et il espérera rentrer fil Jannah. Les anna thawab al Jannah, il est encore plus grand que la récompense de la tombe. Al kafir, c'est l'inverse. La tuqim as-sa'a. Ya Rabb, ne fais pas que l'heure elle vienne. Pourtant, hada al kafir, il souffre et il se fait châtier. Lakin, il saura que le châtiment final, il est encore plus grand. Ayyadan billah. Tout ça, ça nous montre quoi? Un endroit à préparer ce moment. On n'a aucune garantie de faire partie de ceux qui seront récompensés. Là, on doit faire des efforts. Et nakhaf ala anfusina, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala karimun rahim. Hada al-hadith kama taqaddam ila fi musnad l'imam Ahmad ila sahih. Et c'est un dalil ala an-na'im ou al-adhab, la récompense, les délices de la tombe et les châtiments. Et kadalik, c'est un dalil ala al-fitna, et les questions. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Et on a détaillé, walillahi alhamd, hadhihi al-mas'ala, ay al-qabr, dans une muhadara, dans la série de cours sur les étapes de l'au-delà, walillahi alhamd, ensemble. Enfin, celui qui veut plus de détails, fa alhamdulillah, al-ulama, ils ont détaillé dans plusieurs livres. Et on a résumé leurs paroles dans le dars qu'on vient de citer. ثم قال رحمه الله والإيمان بالجنة والنار والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء وقد صح في ذلك حديث عدة. Après avoir cité Al-Qabr, Rahimahullah, il a cité un autre point qui fait partie de notre aqida, al-iman bil janna wal nar. On a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le janna et il a créé le nar. Wa huna qal makhluqatan. Ça nous montre on a cette aqida anna al janna wal nar, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés et ils existent aujourd'hui. Au moment où on parle al janna wal nar, c'est des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont déjà présents. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés. La tafnayan abadan. Al-fana, c'est quelque chose qui disparaîtra. Al-jannah wa al-nar, ces deux demeures, elles disparaîtront jamais. Un groupe de personnes, ils seront éternellement fil jannah, al-mu'minoun. Ils resteront éternellement au paradis. Et un autre groupe, ils resteront éternellement fil nar, en enfer, al-kafiroun. Et taqaddam ma'ana fil shafa'an, certains croyants, ils rentreront fil nar, lakin, ils resteront pas éternellement. Ils sortiront et ils rentreront fil jannah. Min hayth al-khuloud, il y a deux demeures et deux groupes de personnes, al-mu'minun ou al-kafirun. La tafnayan abadan khuliqata lil-baqa. Allah les a créés, ces deux demeures, pour qu'elles restent. Contrairement à cette demeure l'an, cette vie d'ici-bas, ce n'est pas une demeure qui restera. Falihada al-aqil ou al-muwaffaq. Et celui qui veut réellement préparer son avenir, il prépare cette demeure qui restera, al-jannah. Et il fait tout pour s'écarter de cette demeure qui restera, al-nar. Kathirun minan nas, il parle beaucoup d'avenir, et il faut avoir des projets, et il a akhirah. Et en fait, c'est des choses de dunya qui ne dureront pas. Kullu man alayha fan, qala azza wa jalla. Fan, il y a quelque chose qui disparaît. Amma al-jannah wa la tafna, wa al-nar la tafna. Qala rahimahullah, la tafnayan abada. Enfin, c'est sur ça qu'on doit concentrer nos forces, ya ikhwan. Sans négliger, bien sûr, un dunya. Mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Alhamdulillah, tu fais quelques efforts pour manger, pour avoir un toit et pour subvenir aux besoins de ta famille, de tes enfants. Mais idnillahi azza wa jalla, ça s'arrête là, yakfi. Amma mettre toutes ses forces, tous ses espoirs sur cette dunya, al-haqiqa. Ça fait pas partie de notre din, et kadhalik, ça contredit la raison, la véritable raison. Pourquoi mettre toutes tes forces et espérer dans une chose qui peut s'arrêter à tout moment? Kun fi dunya ka annaka gharib. Falihada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a étudié sa biographie, et sa vie, elle montrait annahu, il comptait pas rester fi dunya. Limadha li annahu, il savait qu'il allait mourir. Falihada, il s'habillait modestement, il avait une maison modeste. Il mangeait, walillahi alhamd, modestement. Limadha li annahu, il préparait l'akhirah et il a éduqué les sahaba radiyallahu anhum ala hada. Amma tu trouves ba'd an-nas l'an, eux-mêmes, ils éduquent leurs enfants ala hada. C'est pour ça que ha'oula, et vous avez remarqué hada, annahum, ils détestent quand tu leur parles de la mort. Et ils ont peur. Et ça les gêne. Limadha li annahum, ils ne sont pas prêts. Amma al-mu'min, fayoumiyan. Vu qu'il lit le Coran tous les jours, vu qu'il fait des efforts dans son din, il a avéré tous les jours, walillahi alhamd, il est confronté à hada, l'enfer, le paradis, la mort, la tombe, il a avéré. Fa al-haqiqa, c'est une ni'ma, ça lui permet de pas tomber dans l'insouciance et faire des efforts. Amma al-ba'd, il déteste, même si tu lui fais un rappel sur cela, ça le gêne jiddan. Et les malades, les annahum, ils sont pas prêts, et ça c'est très très grave. Et l'ange de la mort, il peut venir à tout moment. C'est pas une excuse, hada. Abadan. On doit préparer ces étapes. La tombe et al-jannah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de an-nar. Qal wa qad sahha fi dhalik ahadith 'idda. Al-ulama yassit hada al-bab huna. Al-jannah wa an-nar dans les livres de Aqida. Limadha? Li'anna ba'd ahli al-bid'a wa al-munharifin ankaru anna al-jannah wa an-nar مخلوقتان الآن كالمعتزلة يؤمنون بالجنة والنار. Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala il créera الجنة والنار, لكن هم ils disent que c'est pas maintenant. On revient دائما العقل, leur raison, et ils délaissent les textes. لماذا لأنهم يقولون pourquoi الجنة والنار ils seraient créés maintenant alors que les gens imma ils sont vivants imma ils sont morts dans leur tombe. Ah, ils ne sont pas encore rentrés fil jannah wa an-nar. Faqalu, il n'y a aucune raison. Aucune raison que l'enfer et le paradis soient créés l'an, fait ils ont rejeté. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il créera le paradis et l'enfer le jour du jugement. Iyadam billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et on a des textes. Wa man akhbarahum anna y a aucune utilité. Qui c'est qui les a informés qu'il n'y a aucune utilité? Bel, il y a une utilité azima. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le Jannah wa al-Nar et il nous a informé certaines choses pour nous mettre en garde. En fait, هذا ça suffit. Lakin, ayadam billah, les patients. On peut citer comme hadith ou comme preuve plutôt du Coran et de la Sunna. قول الله عز وجل عدت للذين آمنوا بالله ورسله أي الجنة وفي النار قال عز وجل عدت للكافرين وهذا الفعل en langue arabe عدت je peux traduire par Allah سبحانه وتعالى قال nous avons préparé le paradis pour les croyants l'enfer pour les mécréants pour les kuffars ça montre أن عدت ça montre que Allah سبحانه وتعالى il les a créés ils sont déjà créés et في السنة des hadiths clairs que hadith Ibn Abbas radiyallahu anhum anna nabi sallallahu alayhi wa sallam قال اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار ورأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الجنة إلى في النار كذلك في حديث الكسوف قال صلى الله عليه وسلم يعني لا في الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف قال عرضت علي الجنة والنار أي إلى في الجنة لبقاديم إلى الفير عليه الصلاة والسلام وهذا بإجماع أهل السنة أما المعتزلة الضلال فأنكروا وجودها الآن عيادا بالله لأن pour eux il y a pas de raison qu'elle soit créée alors que Allah سبحانه وتعالى في القرآن قال أعدت للكافرين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله on a des hadith clairs qu'on vient de citer ومع هذا يقولون il y a pas de raison alors que les textes sont clairs ce chapitre Al-Janna wa Al-Nar on essaiera inshallah ensemble de le détailler la description du paradis la description de l'enfer il a après les délices du paradis les châtiments du feu on essaiera de détailler dans la série dans notre série sur les étapes de l'au-delà on avait fini le hisab et inshallah le prochain cours ça sera sur al-shafa'a et après shafa'a al-janna et ensuite al-nar enfin, on détaillera inshallah dans cette série de cours. Amma, ce qui nous intéresse, c'est min hayth al-mu'taqad. On croit que le paradis et l'enfer, ils sont présents actuellement. Allah, il les a créés et c'est des demeures éternelles. C'est ça, aqidat al-mu'min. Thumma qal, wal-iman bil-mizan, qal Allah azza wa jal, wa nada'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyamah. Dernière mas'ala, qu'on étudie ensemble aujourd'hui, al-mizan, la balance. فنؤمن أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجوجر سعيدات بحق وبعدل. Et نؤمن أن يوم القيامة il y aura une balance où les œuvres des personnes elles seront pesées. والدليل قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. العلماء يسيت cette مسألة هنا لماذا لأنه من أمور الغيب on a des textes clairs في هذا وكذلك ردا على أهل البدع أنهم يقولون أن الموازين أو الميزان pour eux c'est un symbole فقط qui montre la justice وإلا فلا يؤمنون بميزان حقيقي يوم القيامة avec deux plateaux إلى آخر لا يؤمنون بها هم يقولون que المراد بالميزان c'est un symbole qui montre la justice et Allah subhanahu wa ta'ala il jugera les gens équitablement là chacun Allah subhanahu wa ta'ala il jugera les gens équitablement lakin il y aura un mizan une balance limadha li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé كذلك في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم on peut citer حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم متفق عليه deux paroles qui sont très légères pour la langue et très faciles à prononcer très lourdes sur le mizan sur la balance c'est ça le shahid et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم Vous avez remarqué que dans ce hadith, hadith Abi Hurayra, radiyallahu anhu, Al-Mizan, il est cité, il a été cité au singulier par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Khafifatan ala al-lisan, thaqilatani fil-mizan. Fil-mizan, al-mizan, ay une balance. Wa fil Qur'an al-Karim, les versets où le mizan, il est cité, c'est bil-jam'a. Ka qawlihi azza wa jal, wa nada'u al-mawazina. Al-mawazin, c'est le pluriel de mizan. Mizan, mawazin. Fal-ulama akhtalafu. Certains savants, ils ont dit il y a plusieurs mizan, mawazin. Et بعض العلماء, ils ont dit il n'y a qu'un mizan. Wa as-sahih min aqwal ahli al-ilm annahu c'est qu'un mizan. Yawm al-qiyamah, il y aura un mizan, une balance. Amma al-jam' fa qala بعض العلماء annahu c'est bi'tibar al-mawazin. Ou bi'tibar al-mawzunat plutôt, ay al-a'mal qui seront pesées. Al-mawazin, ay bi'tibar al-mawzunat, ay les choses qui seront pesées, là, chaque fois, il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de personnes, il y a akhir. Amma al-mizan fa wahid. Hada, ala al-sahih. Amma, kadhalik, tu as plusieurs adillah. Anna, ahyanan, c'est les œuvres qui seront pesées. Mathalan, huna. Ces deux kalimats, subhanallah wa bihamdi et subhanallah al-azim, elles peseront très lourd yawm al-qiyamah. Kadalik hadith al-bitaqa. Et cet homme qui avait beaucoup de péchés, et ses péchés seront posés sur un plateau de la balance, et une carte sur laquelle est inscrit la ilaha illallah sur l'autre plateau. Enfin, la plupart des adillah, c'est sur les œuvres. Lakin tu as kadalik des preuves qui montrent أن العامل أي اللوم أو لفم أما مصرون بزي نعم كما جاء في حديث قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن سي جامب سرون أوسي لورد كلمو أحد يوم القيامة شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الجمع بينهما أي pour rassembler tous ces أحاديث أن يقال إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف أعماله ومن الناس من يوزن هو نفسه. أدلة كذلك qui montre que ce qui sera posé c'est les registres. مثلا حديث البطاقة. C'est les registres, أي les livres sur lesquels sont inscrits les œuvres de la personne. Tu as d'autres أدلة, c'est la personne elle-même. Tu as d'autres أدلة, c'est l'œuvre elle-même. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا ça montre que certaines personnes ils seront pesées eux-mêmes. Ahyanan, ça sera les œuvres, et ahyanan, parfois, ça sera les registres. Il n'y a aucune contradiction, en fait. قال ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن هذا الذي يوزن هو العمل ويخص بعض الناس فتوزن صحائف وأعماله أو يوزن هو نفسه. نعم. La base, c'est que ce qui sera pesé, c'est les œuvres. C'est ça la base. La plupart des hadiths, c'est sur ça. Lakin, on a des hadiths qui montrent que kadhalik, les registres ou la personne elle-même, la base, c'est que ça soit les œuvres, et parfois, ça sera la personne elle-même ou ses registres qui seront pesés. Nastafid min hadha. Et de tout ce qu'on a vu, qabl, et dans ce dars, al-jannah wa al-nar wa adhab al-qabr wa na'imuh, anna l'insan il se prépare, comme a taqaddam. Hunak, ashir, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ qui feront que la balance elle sera alourdie. مثلاً الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان يا رحمة ثقيلتان في الميزان. Allah il aime ces paroles, elles sont très faciles à prononcer et elles pèseront très, elles seront très très lourdes sur la balance يوم القيامة. On ne doit pas négliger هذا. Si on se pose la question, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ce dhikr? Alors qu'on a du temps, quand tu vas au masjid, quand tu reviens, quand tu viens au dors, quand tu rentres chez toi, quand tu es assis, au lieu d'être firafla ou perdre son temps dans des choses futiles, on n'oublie pas hada. Yawm al-qiyamah, ça te sera très très utile. Kadhalik, parmi les choses, c'est la chose qui pèsera le plus sur la balance, yawm al-qiyamah, at-tawhid. On a cité hadith, al-bita'aqa. Un homme, yawm al-qiyamah, il aura fait beaucoup de péchés. Et ces péchés seront placés sur un côté de la balance, sur un plateau. ثم يقال لهذا الرجل أنه إلى من حسنة. Il a fait une bonne action. هذا الرجل يوم القيامة يسرع اتوني كيس كون بون اكسيون اللي فافير بارابور ا تو سي بيشي فيقال له لا تظلم لا ظلم اليوم يا با دان جوستيس اوجوردي فتوضع بطاقه بطاقه سي كوم اون كارت سور لاكيل ايت انسكري لا اله الا الله فتوضع في كيف دون لوتر بلاطو دو لا بالانس اي لا كارت ال فورا Elle fera éparpiller tous les registres où il y a les péchés. وَلَا يَثْقُلُ مَعَا إِسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ Ça nous montre que cette hassana, c'est une hassana azima, le tawhid. Mais ce n'est pas le tawhid avec la langue, le tawhid avec la langue, avec le cœur et avec l'a'mal. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, on s'écarte du shirk, on déteste le shirk. On déteste les mouchriquins. Et on fait des efforts pour apprendre le tawhid, pour apprendre le sens de cette kalima azim, la ilaha illallah. Il y en a sept hommes qui avaient beaucoup de péchés. Ce qui l'a sauvé, c'est son tawhid. Et il avait compris le tawhid et il l'a mis en application. Et malgré cela, il faisait des péchés. Là, ça lui a été très très utile, yawm al-qiyam. On fait des efforts. Et c'est ça la différence entre Ahl al-Sunnah. وغيرهم أن quand on étudie العقيدة quand on étudie ces livres c'est pas pour un diplôme c'est pas pour passer notre temps c'est pas pour de la culture c'est on doit avoir la conviction qu'on prépare يوم القيامة c'est pour nous sauver mais un diplôme il va te sauver de quoi ça peut être une fitna ça peut t'égarer dans ton dîn عيادن بالله et ça peut être un bien si c'est في دين الله عز وجل لكن كذلك سيكون هناك فتنة الإنسان يسكت عن علم إلى آخره المهم سدوا بيتر نوت بريوريتي البريوريتي سدوا يد كومبراندر سيت عقيدة و لا ميتر ان ابليكاسيون هذا الكفار تعلمون ان vu qu'ils aiment ils aiment apprendre ils veulent être cultivés ils étudient certains points de notre دين des versets du Coran ou des hadith ou la langue arabe لكن لا يؤمنون بعض الناس كذلك ils apprennent pour se montrer pour montrer aux autres qu'ils savent, ou pour avoir une place, pour gagner de l'argent. On doit faire attention. Tous ces doros qu'on étudie dans l'aqida, c'est pour préparer l'au-delà. On sera tous morts, on mourra tous, on sera tous questionnés, on sera tous ressuscités, on sera tous jugés, et on sera tous dans une des deux demeures. Imma janna, imma nar. Iyadam billah. Kadhalik, قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن parmi les choses qui pèseront le plus sur la balance يوم القيامة le bon comportement on doit faire des efforts et ça nous montre أن on doit étudier notre aqida et cette aqida كذلك elle doit nous aider à améliorer notre comportement. Enfin, on néglige pas ni la aqida ni le bon comportement. أما بعض الناس ils ont négligé l'aqida ils parlent que bon comportement. حتى الحرفو. حتى ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé et ربما ils appellent à aimer les ennemis de cette aqida. Ils appellent à tolérer les ennemis de cette aqida et ce qui contredit cette aqida. Ou là, ils sont à la khatar azim, même s'ils ont un bon comportement. La base, c'est la croyance du mu'min. Et tu trouves que les gens font des efforts dans l'aqida, mais ils ont des manquements dans le bon comportement. Parfois, ils connaissent l'aqida avec l'adilla ila akhri, mais il a un mauvais comportement. Et ce mauvais comportement, Obama, c'est un obstacle entre lui et les gens. Enfin, il n'arrive pas à propager cette aqida. Enfin, celui qui veut le khayr, il néglige pas sa aqida, et kadhalik, il fait des efforts fi al-akhlaq. On s'écarte des mensonges, on s'écarte de la médisance, on s'écarte de l'injustice, et de tous les mauvais comportements. Et on essaie de s'améliorer. Bien, on n'est pas parfait. Lakin, jour après jour, et parmi les choses qui vont t'aider à améliorer ton comportement, c'est l'étude de l'aqida, bien sûr. Il y en a celui qui a la conviction en Allah Azza wa Jal, il le voit. Allah, il l'entend. Allah, il sait tout. les anges et écrivent. Anahu il mourra. Anahu il sera interrogé dans sa tombe. Anahu il sera jugé yom le qiyama. Anahu il a la croyance que l'enfer il existe, le paradis il existe. Là, je sais qu'il fera attention à ce qu'il fait. Il s'écartera de l'injustice, des mensonges, il a akhir. Kadalik, ce qui aide à avoir un bon comportement, et kadalik à comprendre sa aqidah, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la biographie des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Naktafi bihada, et kadalik, ce bab al-iman bil-mizan, on l'avait détaillé ensemble, sous forme de muhadarat, dans la série de cours, les étapes de l'au-delà, walillahi alhamd. Le prochain dars, inshallah ta'ala, on lira à partir de l'iman, bi anna l'iman yazid, ou yanqus. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين